Bonjour et bienvenue pour Comic Stories numéro 322e épisode de notre podcast. Après une petite période d'absence due à des problèmes techniques, ne vous dira rien, je suis avec Boris. Bonjour, je ne dirai rien non plus. Non, c'est mieux. Il ne me fera pas parler. Et je suis avec Clément également. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas entendu. Pas de mauvais commentaires. Non, là je suis un peu, je sèche là. Tu sais, je suis presque déçu. Je vais chercher, je vais réfléchir. Presque déçu là, je m'attendais à une petite. C'est un peu de saison de sécher, donc c'est pas grave. C'est ça. Mais... c'est parce qu'en fait vous êtes en choc. C'est le choc de me revoir parmi vous après plusieurs mois d'absence. On va se calmer tout de suite. On va rassurer tous nos auditeurs. On ne te voit pas. On ne fait que t'entendre. C'était une façon de parler, voyons. Non, effectivement, ce serait un choc, on peut le dire. Ah, il y en a un de vous deux qui m'a déjà vu en vrai. Depuis, les conventions se sont arrêtées. Donc... et c'est pas comme si en plus j'avais mis le temps d'aller à ces conventions-là en plus. Je ne sais pas si... Voilà, je pense qu'il y a un lien de cause à effet quand même. Bon, allez, on va commencer. On a une quinzaine de lectures au programme. Et on va commencer avec une lecture commune, quelque chose que l'on a tous lu, quelque chose dont j'ai parlé. Dans le 322, première édition, je ne sais pas si tu te rappelles, Boris. Ici, oui. Et on va donc revenir, nous pour la deuxième fois, nous écouter pour la première fois, sur crossover numéro 13, ce fameux crossover dont la sollicitation laissait sous-entendre que peut-être ce serait le dernier, et puis que finalement peut-être pas. Alors, est-ce que c'est le dernier crossover? On ne le dira pas. On vous laissera aller lire soit le... Sans doute, ouais. Ouais, c'est ça. Ou le numéro 13, si votre pile à lire, en tout cas, on ne vous dira pas. C'est fin. On vous dira juste que c'est toujours Donny Cates, que c'est toujours Geoff Shaw et Deacon Knife pour la partie graphique. On vous dira sans doute, c'est toujours aussi cool que vous avez à en dire. Vas-y. Je te laisse la primeur. Non, bah oui, évidemment, c'est cool, c'est encore toujours ultra référencé, ça part dans... Enfin, je trouve là, depuis les 2-3 numéros, ça part encore plus dans un délire qui est totalement méta et qui est quand même assez dingue. Enfin, je veux dire, sincèrement, ça, la force là de... Et encore plus de ce numéro 13, c'est que ça va dans des chemins, en fait, auxquels même moi, je m'attendais... Enfin, sincèrement, je m'attendais pas à ce que ça prenne cette direction-là, mais ça donne un truc, franchement... encore plus... il y a des tendances assez what the fuck, parce que des fois, tu t'attends pas du tout à ce qui se passe. Et puis, quelque chose de jouissif, parce qu'en fait, c'est génial, quoi. Enfin, c'est génial et c'est hyper rafraîchissant d'avoir des comics comme ça, où tu sens, enfin, moi, en tout cas, ça a été mon impression, tu sens clairement que l'auteur, donc Donny Cates, et Geoff Shaw aussi, forcément. Geoff Shaw prend un kiff de dingue à écrire cette histoire, quoi. Enfin, moi, c'est ce sentiment-là que j'ai. Sans revenir en plus, encore plus avec le contenu du 13e numéro, qui est quand même assez dingue dans certains de ses aspects, c'est quand même. C'est un délire, mais dans le bon sens du terme. Ouais, depuis le début du deuxième arc, hein, à peu près, c'est quand même un ton au-dessus du premier déjà, qui était déjà excellent. Complètement. Et là, ce numéro 13, moi, ce qui m'a marqué, c'est surtout aussi, on va dire, l'investissement personnel, on va dire, de Donny Cates. Qui quand même, livre une part de, je pense que c'est la réalité, hein, une part de sa vie qui est assez touchante. Ah, complètement. Et qui s'intègre en même temps parfaitement dans l'histoire. Donc, c'est aussi ça la force de la série, c'est que c'est méta, c'est complètement barré, mais ça reste quand même quelque part cohérent, on va dire. Ça part dans tous les sens, mais ça reste d'une certaine façon cohérent. On se dit pas là, ça devient n'importe quoi. Et c'est ça qui est assez fort. Et c'est vrai que ce que livre Donny Cates sur lui dans ce numéro 13, et ça rajoute quelque chose. En termes d'émotion qui touche particulièrement quand même. Ouais, c'est très... et d'ailleurs, c'est vraiment le numéro 13 qui révèle ça. Et je m'y attendais pas forcément, et ce qui fait que du coup, ce numéro 13... Je trouve, à mon sens, que c'est sans doute le numéro le plus abouti pour le moment de la série. C'est que il y a un côté, et ça peut être assez paradoxal par rapport au propos même du comics, J'ai trouvé qu'il y avait un côté très intimiste et sans doute un côté très intimiste qui n'a jamais été aussi prononcé qu'à travers ce numéro 13. Et effectivement, moi, ça, j'ai eu l'impression en lisant ce numéro 13 que Donny Cates y mettait ses tripes, quoi. Bon, ça c'est Ça clair. m'a donné un sentiment assez étrange. Enfin, pas étrange. Mais où vraiment j'ai eu l'impression de dire, ouais, ok, il y a une histoire derrière, donc, où il veut rendre hommage aux comics, mais surtout, en fait, ce que je me suis dit, c'est surtout, en fait, j'ai quand même l'impression que surtout, c'est son histoire au sens propre du terme. Bah C'est bien les oui, deux, quoi. Ouais. il nous raconte en partie son. Et finalement, le fait que toutes les séries qui sont référencées depuis le départ soient cessées, ça prend un peu de sens dans ce qu'il nous raconte. Non, non, c'est très fort, sans doute. Dire quoi, à part que Crossover, c'est 13 numéros de masterclass totale qui part dans tous les sens, c'est dynamique, c'est référencé, c'est bourré de surprises. On a des passages assez touchants, c'est pas le premier. Hein, c'est vraiment un cocktail parfaitement réussi, gros carton. Tout à fait. Bonne Maintenant, suite y conclusion. aura-t-il? Nous ne vous le dirons pas, nous vous ce numéro. En tout cas, la Nous conclusion de ce passons numéro à... 13, on la voit venir quelques pages avant, mais elle est quand même très impactante. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc non, allez lire Crossover. Vraiment, il n'y a pas de. Y a pas de. Je crois que le tome 1 est encore dispo en VF à 10 euros. Je crois, ouais. Ouais, C'est effectivement, ouais. probable. Et le 2 sort en septembre ou octobre, je sais plus. Enfin, ça arrive là très vite. Donc clairement pour ce prix-là, vous auriez plus que tort de vous en priver. Donc allez-y. Et vous allez voir que j'ai construit ce conducteur de manière habile, au moins pour la première partie de l'émission, Mais j'ai remarqué, ouais, puisque c'est. nous allons enchaîner sur des séries signées par le co-scénariste, on peut dire, vous croyez, de Crossover. Il a écrit un numéro, donc on va parler un peu de Chip Zdarsky, le numéro 7, le Crossover, excellent numéro 7. Et on va commencer avec toi, Boris. On reste sur un numéro 13, du coup, et c'est Voilà, Stillwater cette ça, fois-ci. belle transition de numéro 13 à la suite. Stillwater, donc que je suis depuis le début, de Chibzarsky, donc Ramón Caperez et Mike Spicer. Il y avait eu un numéro one shot intermédiaire dont j'ai parlé, je crois, la dernière fois, ou la fois d'avant, je ne sais plus, qui mettait en scène des personnages de la série régulière dans des histoires courtes. Assez sympathique. Et là, on reprend donc avec le troisième arc, qui a priori sera le dernier, où donc Chibzarsky prend exactement la suite de son cliffhanger dont j'avais parlé, qui était assez surprenant et marquant pour la ville de Stillwater. Et donc on redémarre, voilà, comme sans transition, on va dire. Pour l'instant, il n'y a pas de lien avec les histoires courtes qu'on a eues dans l'épisode One Shot. Et franchement, c'est toujours super efficace. Moi, j'accroche beaucoup à cette série toujours. Donc, c'est un mélange d'action et d'idées un peu sympa. Parce que, bon, alors je vais pas révéler le cliffhanger du 12, mais ça pouvait quand même bouleverser pas mal de choses. Alors là, les bouleversements commencent seulement sur les dernières pages de l'épisode. Je pense que ça va être le centre de l'arc entier. Hein. Donc, mais franchement, ça peut produire de belles surprises. En termes de dessin, c'est. Toujours Ramón Caperez, c'est toujours c'est un petit peu particulier, hein, ça j'en avais déjà parlé, notamment au niveau des visages, mais c'est quand même hyper dynamique. Et puis Mike Spicer aux couleurs, c'est toujours très bon. Donc la série continue sur son niveau habituel, on va dire, et franchement très très sympa. Et j'avais lu le tome en collecté quand c'est sorti en VF. Alors pour l'instant, il n'y a pas le tome 2 d'annoncé, alors que bon, en termes, je crois qu'en VO il est déjà sorti. Hein. Oui. Donc je sais pas, est-ce que ça a pas bien marché, ils attendent un peu, j'en sais rien. J'espère qu'on va avoir le droit en VF à la suite quand même. Mais non, non, toujours très très bonne série indé que j'ai vraiment plaisir à suivre. Voilà pour Stillwater. À Je chaque fois suis le que seul à lire. tu en parles, tu me fais regretter le fait que tu sois le seul à lire, justement. Parce que j'avais commencé, j'avais bien aimé, encore une fois, et... Bah, manque de temps sans doute. Ouais, ça doit être Hein? ça, ouais. C'est souvent ça quand même, hein, Oui. qui nous fait arrêter une série. Mais non, non, vraiment, c'est vraiment excellent. Je pense que c'est peut-être encore plus efficace en collecté, comme souvent avec pas mal de séries. Des fois, voilà, épisode par épisode, ça manque un petit peu de rythme par moment, ou de grosses surprises, mais ça reste quand même très agréable à lire en single. Et quand j'ai relu le tome 1, là, en VF, c'était encore meilleur, quoi. Voilà, d'enchaîner 5 épisodes à la suite, ça densifie l'histoire. Donc bon, bah, tu pourras lire en collecté quand tu auras. Je crois que t'es lu l'heure, c'est ça? Le TP? Ouais, j'ai eu l'équivalent du TP1 et Ouais. je crois que quelque part. Ouais, il est sorti, je crois. Ouais, non, il est Donc, sorti. ouais, J'ai juste c'est un pour ça que doute si je. je me le suis pris ou pas, mais je crois. C'est pour ça que c'est curieux qu'en VF, il n'y ait pas de traces. J'ai regardé un peu sur les sites en ligne de vente. Pour Delcourt, il y a déjà des choses annoncées pour octobre. Pour l'instant, il n'y a pas de traces de ce tome. C'est chez Delcourt en Donc, VF? ouais. D'accord. Je sais pas pour ça, je voyais ça Donc, chez Urban. ah non, non, c'est sorti chez Delcourt. Ok. Et par exemple, à la même époque, je crois qu'il y a Seven Secrets, les 7 secrets qui sont sortis. Et là, on a déjà eu le tome 2 qui vient de sortir. Et là, jusqu'à octobre, il n'y a rien annoncé, donc ça fait quand même beaucoup. Donc, bon, Étrange. après, en VO, Seven Secrets, c'est terminé. Et on en reparlera tout à l'heure. Ouais, donc peut-être qu'ils attendent un peu de pouvoir enchaîner le 2 et le 3, j'en sais rien. Enfin, je sais pas. Aucune idée, je ne suis pas dans les secrets de l'éditeur. Voilà. Non, et parfois on se demande qui est dans le secret. J'ai un peu de mal à suivre. Il va y avoir des périodes où ils vont sortir des tonnes de trucs hyper réjouissants, et après plus rien. Ouais, il y a eu un. Je sais pas trop comment ils font leur truc. À Par un exemple, moment, on n'avait l'intégrale Butsu. rien. Ouais. Bah, je Butson. pense que le. Ouais, là on a eu la première intégrale en novembre, je crois. Je pense qu'on aura la deuxième pour Noël, là. Ça va être un parent, quoi. Peut-être, mais c'est étonnant que ce ne soit pas annoncé, parce qu'on a quand même régulièrement des programmes qui vont assez loin dans le temps et on n'a pas de nouvelles, Bah, quoi. Delcourt, en termes de programme, je trouve qu'ils annoncent pas très en avance. Moi, quand je trouve des infos, c'est sur Internet, sur les sites de vente, hein. Je vais Oui. voir, je tape, je cherche, là on trouve des trucs. Mais eux, communiquer sur leur programme, ils font pas super en avance. Pourquoi faire comme il dit? Ouais, donc après de façon générale, enfin là c'est pas Delcourt, mais sur les réseaux, etc. J'ai l'impression que de plus en plus c'est les lecteurs qui font la pub, enfin voilà. Oui. Qui chopent des trucs et qui retweetent. Alors l'éditeur retweet, mais il n'y a pas de. Je trouve Oui, il et y a ça fait très peu office d'éditeurs d'annonce, c'est qui. vrai. Voilà, qui ont l'impression qu'ils attendent que le boulot soit fait par les lecteurs et qui trouvent des infos et qui partagent, voilà, pour dire ah, c'est cool, il y a telle série qui arrive ou ce genre de truc. Et hop, ils retweetent, mais je trouve que c'est pas. Il n'y a pas beaucoup d'éditeurs qui travaillent vraiment leur com sur les réseaux, quoi. C'est À vrai. part peut-être 404 qui bossent pas mal là-dessus. Mais après, le reste, je trouve que. Enfin, je sais pas, je piche pas forcément trop comment ça fonctionne. On mise beaucoup sur les personnes. Sur un tel et un tel qui voilà qui va publier une photo mal cadrée d'un truc et puis ça fonctionne mais enfin bon je sais pas trop comment ils gèrent leur truc quoi, mais finalement je trouve que les réseaux sont pas super bien exploités moi par enfin pas exploités mais ils travaillent pas beaucoup sur les réseaux je trouve voilà Non. ils utilisent des trucs de lecteurs quoi Ouais. pourquoi pas si c'est ça qui fait qui convainc des gens d'aller lire pourquoi pas pas sûr que ça soit le meilleur moyen mais bon. C'est une question intéressante que tu soulèves là, en tout cas. Clairement. On va continuer avec Chips Darsky. Et on va continuer avec sa dernière proposition, qui est quelque chose qu'il a sorti sur son Substack, je crois, dans un premier temps. Et qui arrive en papier chez Image, qui s'appelle Public Domain, dont personne ne parle, je crois. Enfin, en tout cas, je n'en ai encore pas entendu parler. J'ai pas vu particulièrement de choses à ce sujet. Et qui pourtant, mériterait qu'on en parle beaucoup plus que ça. Public Domain, bah, le nom est assez transparent, hein. On va parler de propriété intellectuelle. C'est assez ambitieux d'aborder ce sujet dans une œuvre de fiction, en comics, la propriété intellectuelle. Et pourtant, l'actualité plus ou moins récente nous a montré à plusieurs reprises que c'était un sujet assez épineux entre les crédits ou pas parfois des créateurs dans les adaptations ou séries télé, l'émergence du creator-owned, le fait que les artistes souhaitent être rétribués pour leur création et que tout n'appartiennent pas forcément aux éditeurs et compagnie. Enfin voilà, il y a eu pas mal de questions qui se sont soulevées les dernières années. Et bah, Chips Darsky, lui, il a décidé d'en faire une série. une série forcément très méta, parce que lui, il est quand même assez bien placé pour parler de tout ça. Donc ce soit en... il connaît les questions de propriété intellectuelle. Et là, il va nous plonger dans l'histoire d'un type dont le papa est dessinateur, et il a co-créé le personnage le plus populaire des comics, qui va avoir une énième adaptation au cinéma, incarné par un acteur absolument détestable. Sauf que son père n'est que le dessinateur qui a co-créé le personnage. Et fort donc, conclusion, il n'existe pas aux yeux de la propriété intellectuelle. Éventuellement le scénariste. Et encore, même lui n'existe presque pas, parce que tout appartient au studio, tout appartient à l'éditeur, et bah, les artistes sont au second plan. Et il y a un vrai débat qui est soulevé là-dedans. Ce dessinateur, il participe à l'avant-première, on voit que son fils, il essaye de se batailler un petit peu pour que son père soit reconnu, etc. C'est franchement assez bien foutu, c'est bourré de métatextes, de second degré de lecture. Le multivers cinématographique s'appelle le SCU. Donc on voit à peu près qui est visé par Chip Darsky derrière tout ça. C'est vraiment très intéressant. C'est vraiment très intéressant. Ça dit beaucoup de choses sur l'industrie des comics, sur la manière dont on traite les créateurs, dont on les maltraite d'ailleurs. Et la conclusion du numéro 1, le petit cliffhanger qui arrive à la fin, ma foi, je me suis dit, oh oui, je veux savoir, je veux voir. Qu'est-ce qui se passerait? Et je me suis même posé la question, mais qu'est-ce qui se passerait dans le vrai monde? Ce qui se passe à la fin de cet épisode avait lieu. Ce serait vraiment un beau bordel, je pense. Donc voilà, c'est très intéressant, très très intéressant. C'est pas ce qui va être le plus bandant pour le lecteur lambda, on va dire. C'est pas hyper facile à vendre, à mon avis, comme projet. Mais c'est tellement bien écrit. Et en plus, c'est dessiné par Chip Darsky lui-même. Donc ça nous rappelle les bonnes heures de Sex Criminals. Et c'est ultra bien écrit, c'est ultra intelligent. Enfin, moi, c'est un vrai coup de cœur, ce numéro 1. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup. Et je regrette qu'on n'en parle pas plus. Ça s'appelle Public Domain. Oui, je l'ai précommandé. Dans ma prochaine livraison, il y sera. Donc, je pourrai en reparler aussi. Je l'avais cité dans le kit de survie l'autre fois, effectivement. Mais j'ai pas eu le temps là, d'aller jeter un œil. Donc, je le lirai en version papier quand je le recevrai. Mais effectivement, c'était... Ça avait l'air d'être une proposition intéressante, et puis c'est vrai que le retour de Zdarsky au dessin, ça fait plaisir, parce que moi j'aime bien son trait. Oui. Et ça fait longtemps qu'il n'avait pas dessiné, donc... Oui, j'aime bien son trait. Alors c'est assez... c'est parfois assez, on va pas se mentir, parfois assez léger au niveau des fonds, en termes de dessin. Hein, parfois, le fond des cases est quand même ultra simple. Mais c'est pas grave au final, et ça n'empêche pas à l'histoire d'être ce qu'elle est. Et... Non, franchement, c'est une grande réussite. Alors, je sais pas si c'est une mini, je sais pas combien de parties sont prévues à ce truc-là. Je sais pas, ça je vais pas regarder. Après, si la publication sur Substack il sort maintenant, on peut penser que c'est peut-être fini. Peut-être, oui. Je sais pas, j'ai pas. Je vais essayer de trouver l'info. Mais, je vais essayer de voir du côté. Même chez Image, je n'annonce pas comme limité. Bah non, c'est ce que je regardais, apparemment c'est une ongoing, mais j'étais passé à côté de ce titre, et là ça me donne bien envie de le découvrir, parce que ça change, et si c'est vraiment une critique de l'industrie du comics en général, donc j'englobe forcément éditeur et industrie cinématographique d'adaptation, franchement, tu l'as plutôt bien vendu. Bah de l'industrie et puis vraiment de la propriété intellectuelle. Quoi. Il y a vraiment question de propriété intellectuelle. De qui est-ce qu'on considère comme le créateur? Est-ce que tu possèdes les droits, tu es le seul propriétaire moral ou quoi? Enfin voilà, il y a plein de questions. Je trouve ça assez génial que ça soit Image qui édite ça, parce que si je ne me trompe pas, il me semble que Image, c'est l'un des rares éditeurs où les créateurs owned, les auteurs ont 100% des droits dessus, je crois. Mais c'était la raison même de la création d'Image à l'époque. C'est ça. Hein. Des artistes qu'on avait ras-le-bol. C'est ça. Donc que ça soit fait par Image, c'est encore plus. Je trouve que c'est encore plus fort. C'est logique, quelque part, que ce soit chez eux. Ouais, carrément. Mais effectivement, c'est d'actu et. Encore plus, j'ai envie de dire, depuis allez, on va mettre une décennie, si ce n'est plus. Non, c'est intéressant. Ça fait écho à des questions comme Batman créé par Bob Kane. Ouais, carrément. Et Bill Finger. Bah ouais, complètement. Le fait que pendant des décennies, il n'y en ait qu'un qui a été écrit. Bref. Non, ouais, c'est ça. Je crois que ça avait été aussi pareil sur Wonder Woman, non? Oui, enfin, il y a plein de. Y a plein... Enfin, voilà, c'est très intéressant et il me tarde de découvrir un petit peu ce qui nous a réservé avec ce cliffhanger de fin. Tout ça me plaît bien. Et j'ai fouillé. Pour l'instant, il y a 4 numéros d'annoncés. Et sur le 4, la sollicitation laisse penser qu'il y aura au moins un cinquième. D'accord. Donc au moins 5 numéros, a priori. Ok, Ouais, je sais bon. pas. Après, c'est pas un truc qui peut s'étaler sur. Enfin, voilà, c'est pas une. Oui, ça sera Vu le vraisemblablement concept, pas. c'est pas une série qui peut tenir 30 épisodes. Hein. Ou alors, je vois pas le truc venir, mais bon. Allez, continuons avec Lamy Zdarsky, et cette Ouais. fois-ci, il est associé à Jacob Phillip. Voilà, pour New Burn, série que je continue, malgré mon avis plutôt mitigé quand même depuis le début. Mais petit à petit, si tu te souviens, Mathieu, à chaque fois je disais que c'était un petit peu mieux que le précédent. C'est vrai. Et là, j'ai enchaîné le 6 et le 7 qui forment les parties 2 et 3, je crois. Ouais, 2 et 3 d'un arc qui se finit pas vraiment en fait dans cette. Dans ce numéro 7, mais la partie suivante, le 8, porte un autre nom. Alors je sais pas, ce sera peut-être une forme de conclusion ou de suite. Donc en fait, dans le 6, Darsky nous raconte le passé un petit peu d'Emily, c'est la personne qui aide New Burn dans ses enquêtes. Des petits soucis perso, enfin voilà, une aventure un peu âpre qu'elle a eu quand elle voulait devenir policière, quand elle entrait à l'école, à l'académie, et les raisons pour lesquelles elle n'a pas pu continuer. Et dans le 7, eh bien, cette histoire vient s'insérer dans le présent, et donc vient bouleverser l'enquête sur laquelle il travaille, et va donc mettre le duo dans la mouise, on va le dire comme ça. Et franchement, autant les précédents, des fois, je me disais, bon, c'est un peu mollasson, ça m'ennuie un peu. Autant là, alors peut-être que c'est le fait d'enchaîner les deux, mais je pense pas, parce que à la fin du 6, je me suis dit, franchement, c'était une super, super cool lecture. Le 6, donc cette ancienne intrigue, on va dire, est construite de façon non linéaire. Donc, il y a 2-3 allers-retours passé-présent qui fonctionnent super bien. Et puis après, ça vient vraiment bien s'insérer dans l'épisode de numéro 7. Donc, cette fois-ci, je dirais, excellente lecture. Franchement, Eh j'ai ben. vraiment adoré lire ce duo d'épisodes-là. Alors, comme c'est un petit peu court, hein, je l'avais déjà dit, ça fait que 20 pages. Peut-être le fait d'enchaîner les deux, voilà, ça m'a fait 40 pages. Donc, j'ai pas ressenti un petit peu ce manque de densité que j'avais ressenti les fois d'avant. Mais en termes de construction et de tension et d'intérêt pour l'histoire racontée, eh bien, j'ai pris mon pied là, franchement. Je me suis bien régalé. Donc, bah, je regrette pas d'avoir continué pour l'instant. On verra un petit peu ce que ça donnera par la suite. Mais ça me réconforte un peu et ça me fait plaisir, on va dire, de désormais avoir aimé au moins 2 épisodes là à la suite. Surtout que le duo promettait beaucoup quand même au départ, hein. Alors peut-être que voilà, ils ont cherché un peu leur rythme. Les épisodes en un fonctionnaient pas trop. Pour moi, je trouvais que c'était un peu mou. Ça manquait d'histoire, quoi, et c'était un peu fade. Et là, franchement, c'est pas mal. Alors peut-être que là aussi, encore une série qui, en enchaînant dans un volume collecté plusieurs épisodes, va gagner en termes de, pas de qualité, mais de ressenti, voilà. Mais je sais pas. Alors je sais pas s'il y a un TP qui est sorti. Toi, tu sais peut-être, mais... De New Burn, oui, alors soit il est Ouais. sorti, soit il arrive. Parce que c'est pas construit, en fait, sous forme d'arc, etc. Donc je vois pas trop où ils peuvent arrêter le TP, parce que là, le 5, c'était l'introduction, on va dire le début de l'arc. Là, 6, 7, à moins qu'ils en mettent 7, qu'ils mettent 7, j'en sais rien, enfin bon, peu importe. Bon, pour l'instant, c'est pas annoncé en français, ça devrait peut-être arriver, je sais pas. Là aussi, on peut peut-être miser sur Delcourt, mais bon, si Stillwater n'arrive pas à la suite, ils vont peut-être pas se lancer sur une nouvelle série de Zdarsky. Je sais pas, on verra bien si ça débarque en français. Mais bon, en VO, là, voilà, je continue et on va voir. J'espère dire du bien aussi des suivants. Et puis, Jacob Phillips, c'est toujours. Enfin, moi, j'aime beaucoup son dessin et surtout sa colorisation qui est vraiment singulière, quoi. Alors, le TP1 de Donc, New ouais. Burn arrive le 31 août et il contiendra les 8 premiers épisodes. Ah, bah voilà. Donc, oui. Donc, le suivant va être sans doute la conclusion de cet arc-là. Là, ça paraît plus logique, effectivement. Possiblement. En tout Donc, cas, il est ça va crédité faire comme TP1. un beau volume, quoi. Parce que 8 épisodes. Donc, ouais, sans doute que si ça sort en VF, de toute façon, je pense que je le relirai. Et enchaîner les 8 épisodes, ça donnera sans doute une impression plus positive, on va dire, que celle que j'avais eue au début. Donc voilà, une série qui de mon point de vue, augmente en qualité. Est-ce que vous vous rendez compte quand même que Chips Darsky, en ce moment, c'est quand même, Stillwater, New Burn, Public Domain, Batman, excellent démarrage de Batman avec le... J'en parlerai pas aujourd'hui, mais le numéro 125 de Batman, premier de Chips Darsky, est vraiment très chouette. Il revient avec Daredevil cette semaine. Ça va, quoi. C'est pour ça que ces fonds, ces cases sont vides de fond. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Ça va, c'est un petit monsieur, quoi. C'est et puis, un petit auteur parmi d'autres. Alors, il y en a d'autres qui font plusieurs séries comme lui et tout. Mais il n'y en a pas beaucoup qui les font toutes bien. Ah oui, non, mais ça, c'est clair. Ça, donc, c'est un des hommes en forme du moment. Ah, complètement. Après une petite baisse de régime, on ne va quand même pas se mentir, il y a eu une petite baisse de régime en début. On n'était pas avec le Chips Darsky qu'on avait l'habitude de... Mais alors là, il est reparti du feu de Dieu. Puis il avait fait quelques mini chez les Marvel que j'avais lu, moi, qui n'étaient pas sur les... Notamment sur les Fantastic Four, là. X-Men Fantastic Four, qui était franchement tartignol. Mais là, et voilà, c'est des séries soit indé qui les créent, ou alors Batman et Daredevil, moi, je vais sans doute reprendre en VF. Ce sera plus simple pour moi. Mais je ne suis pas surpris de ce que tu dis, que le premier numéro de Batman soit plutôt bon. Ah ouais, il est vraiment très bien. En plus, il a le bon goût. Il avait fait sur Urban Legends. Je crois qu'il avait fait une histoire, je crois. Non, avec Red Hood. Ouais, avec Red Hood. Et bonne. Franchement, c'était déjà très très bon. Donc, ça laissait dire quand même que le monsieur, c'était pas surprenant, pouvait très bien faire sur Batman. Et je l'ai pas encore lu, ça m'étonne pas. Mais j'ai espoir qu'effectivement, ce soit bien. Parce que finalement... Bon, je trouve que le run de Williamson sur Batman a été très court et sera quand même relativement anecdotique. Ça lui a juste permis d'écrire sa Shadow War. C'est ça. On continue, on passe de l'auteur de Batman à l'auteur de Superman avec Tom Taylor et Dark Knights of Steel, Clément. Je compte sur toi pour ne pas spoiler. Je ne sais pas de quel numéro tu vas parler. Je comptais en parler globalement. Okay. Plutôt que m'attarder sur un numéro en particulier, parce que là, c'est à l'avantage du coup, un, que j'ai lu, je suis à jour dans les numéros, et que je crois qu'il y a un hiatus de quelques mois, puisque le numéro 7, on est au numéro 7, était sorti, si je dis pas de bêtises, je crois, en mai ou en juin. Oui, c'est ça. Donc, assez récemment. Bon, pour refaire le speech très brièvement, et si on devait résumer, c'est réinterprétation par Tim Taylor de l'univers de DC Comics sous fond d'univers médiéval, voire je trouve des aspects d'heroic fantasy concrètement. Donc c'est Tom Taylor au scénario et Yasmine, alors je sais pas comment ça se dit, si ça se dit Poutri ou Putri. Moi je dis Poutri. Je dis Poutri aussi, j'aurais tendance à dire la même. Alors, avis général, alors déjà, pour moi, un des gros points forts de la série, c'est justement les dessins de Yasmine Poutri. Je trouve que les dessins collent parfaitement à ce que souhaite proposer Tom Taylor, d'une part, et d'autre part, je trouve les dessins, sincèrement, franchement, super beaux. Honnêtement, moi je suis toujours j'adore lire rien que lire cette série parce que c'est enfin voilà, les dessins, c'est un vrai plaisir de découvrir ce dessin qui a un style qui ont tendance des fois à me faire penser peut-être je trouve que c'est un style qui est un peu proche, disons, qui serait en proximité avec celui de Jorge Jiménez, si je dis pas de bêtises. Ouais. D'accord. Je trouve, y a un petit truc, je trouve. Mais enfin, quoi qu'il en soit, hormis ça, c'est peut-être une comparaison totalement foireuse, je trouve les dessins sublimes. Et concernant au scénario, franchement, c'est ultra fun, c'est ultra cool. J'étais très curieux de voir comment Tom Taylor allait réinterpréter les trucs. Et sincèrement, la manière dont il le réinterprète, je trouve ça super réussi. Parce que déjà, c'est pas qu'une simple juxtaposition de ce qu'on a pu connaître historiquement parlant sur certains personnages. C'est vraiment une réinterprétation. Je trouve que c'est des rapports de force qui vont parfois être totalement différents par rapport à ce qu'on a connu, voire aussi des origines ce qui peut ne pas être surprise, mais quand même, il y a des choses, moi, qui m'ont assez surprise. Et franchement, je trouve ça super cool. Le scénario est prenant. Les personnages, la façon dont ils sont amenés, c'est plutôt réussi. On a quand même de mémoire un panorama de personnages de l'univers de DC Comics qui est quand même assez riche. Donc, bah, j'ai envie de dire, Tom Taylor a encore, je trouve, réussi. Il a encore réussi son coup et ça donne une très bonne série. Et ce que je disais à un ami quand je lui parlais de la série qui connaît pas l'univers, je dis franchement, si tu veux lire des choses qui nécessitent pas d'avoir des connaissances sur l'univers DC Comics, ce style de série, c'est le genre de truc qui peut te faire découvrir d'une autre façon la série, mais qui peut te faire, je trouve, au contraire, apprécier aussi les personnages, quoi. Enfin, je trouve que c'est très réussi. Alors, j'ai pas lu Deceased, mais à mon avis, je pense que c'est sans doute dans la même veine et dans la même capacité de réinterprétation. Parce que c'est une capacité de réinterprétation. Je pense sincèrement que ce que fait Tom Taylor, c'est pas forcément donné à tout le monde. Il se réapproprie l'univers, mais il donne quelque chose de cohérent et quelque chose surtout qui part pas dans tous les sens, mais qui est très fun à lire. Et moi, c'est concrètement, c'est ce que j'attendais vraiment de cette série. Donc, je crois que c'est une série en 12 épisodes, je crois, normalement. Une série limitée en 12. Il va avoir, je crois, là, au mois de juillet ou août, je sais plus, dans pas très longtemps, je crois, un one shot ou Ouais, en août. un. Ouais, c'est ça, en août, qui va s'inscrire dans la continuité de ce que je souhaite proposer. Donc, bon, j'ai quand même l'impression, alors, c'est une série limitée en 12, mais sincèrement, je serais pas surpris que Tom Taylor va nous faire comme Deceased, c'est-à-dire qu'il va prolonger cet univers. Donc, bref, c'est une vraie réussite. Ok, c'est rigolo parce que fun, c'est pas le mot que j'aurais utilisé. Je trouve ça, ça colle avec le médiéval, hein, mais je trouve ça assez sombre. Oui, alors fun. Alors le terme fun dans le sens où fun parce que ça réinterprète. J'aime beaucoup. Il y a un côté fun à voir comment il réinterprète les choses. En revanche, je suis complètement d'accord avec toi. C'est quand même, effectivement, c'est très sombre. C'est très sombre. Il se passe beaucoup d'événements et c'est pas des événements gays, ouais. Disons que ouais, Effectivement. y a des personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir se comporter comme ça. C'est C'est ça. assez perturbant. C'est ça. Ouais, complètement. Y a même des choses assez froides dans leur violence et tout. Alors l'époque médiévale, pour le coup, se prête bien à ce genre de choses. Ouais, c'est pas un récit pour enfants, quoi. Non, non, non, oui, quand je dis fun, fallait pas le prendre dans ce sens-là. Fun en termes de réinterprétation, parce que c'est rafraîchissant. Mais ouais, non, c'est clairement pas une œuvre qui peut être à la lecture de tout le monde, parce que c'est quand même violent, quoi. Oui, c'est violent. C'est quand même violent, c'est pas un truc en mode YOLO, ça va être rigolo et tout. Non, non, c'est. Et puis d'ailleurs, j'ai envie de dire, le ton était annoncé globalement dès les deux premiers numéros. Et là, ça n'a fait que monter crescendo jusqu'au 7e numéro. Donc ouais, t'as raison de rajouter cet aspect qui est quand même très important. Mais ce qui fait la grande force du titre d'ailleurs, je pense. Oui, on le laisse faire des choses assez Et intéressantes. Mais alors, après, il a c'est assez. prouvé avec Injustice, avec Ouais. Et DC, c'est tu le assez disais, rigolo que. d'ailleurs, parce que je viens de voir sur la page de DC qu'il est donc rated teen. D'accord. Comme quoi. Comme quoi. Après, on y voit peut-être, nous, un degré de violence supérieur à ce que c'est réellement, mais C'est vrai. je trouve ça assez trash. Complètement. Allez, on enchaîne. On reste avec Tom Taylor. Boris, toi, tu vas nous parler de Seven Secrets numéro 17. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Seven Secrets. Alors, même Je chose, ne sais plus. on essaie Je de sais plus. pas spoiler pour les Non, non, je personnes vais pas spoiler. qui n'ont pas lu la VF ou quoi. Ouais. Oui, de toute façon, là, c'est la fin, hein. Donc, Ouais. moi, c'est l'avant-dernier. Seven Secrets. C'est toujours, enfin, on approche de la fin et c'est toujours aussi fun. On a, alors dans le 16, il y avait quand même un gros cliffhanger à la fin, hein, que je vais pas révéler. On en apprend pas mal sur notre héros, comment c'est, Caspar, pardon, je cherchais son nom. On apprend pas mal de choses sur Caspar, son enfance, dans cet avant-dernier numéro. Et une nouvelle fois, c'est super bien écrit. Ça mêle. Alors, il y a quand même des. Alors, je vais pas, ça me gêne pas, mais il y a toujours un petit peu, notamment sur la fin de l'épisode, là, des trucs qui font un peu abracadabra, on va dire. Ça, Ça sort un petit peu de nulle part, alors c'est vrai que ça surprend, Je vois ce que c'est tu veux dire. fun, mais on se dit bon, ouais, pourquoi pas. Enfin, ça fait un peu too much par moment, je trouve, sur cette fin de série, on va dire. Alors, je sais pas ce qui va se passer dans le 18, hein, je l'ai pas lu encore. Tu vas nous en parler un petit peu après, sans doute, mais c'est agréable à lire, mais effectivement, il y a des trucs un peu, un peu grandiloquents, on va dire, auxquels on s'attendait pas franchement en débutant la série, il faut être honnête, quand on lit le premier arc. Même si ça bascule un peu dans le féerique, la fantaisie sur la fin du premier arc, ça monte crescendo de ce point de vue-là quand même petit à petit, et notamment sur ce dernier arc qui baigne, on va dire, un peu dans cet esprit, et qui voilà, par moments m'a fait dire c'est peut-être un peu trop. On verra bien, peut-être qu'à la fin, une fois que j'aurai tout terminé, je me dirai bah non, finalement c'était cool, c'était fun, et puis voilà, je pense que c'est aussi le but des auteurs, hein, de se faire plaisir, hein, de faire plaisir au lecteur. Mais voilà, ça fait un peu bizarre par moment. Mais j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à lire ce numéro 17. Et puis en termes de dessin, bon, on est toujours avec un Daniele Di Nicolo au top quand même. Hein. C'est vraiment très bon, toujours aussi dynamique. Peut-être un petit peu moins inspiré du manga que dans le premier arc, enfin c'était ce qui m'avait marqué dans le premier arc. Moi, c'était un peu ce mix comics et manga. Là, c'est peut-être un petit peu moins sur cette fin de série, mais ça reste une très belle partie graphique. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé, avec les petites réserves entre guillemets que j'ai mises pour le côté un petit peu too much par moment. On a l'impression, voilà, il faut trouver une solution à tel problème. Alors, je pense que c'est pas de l'improvisation. Il avait réfléchi à tout ça, mais ça fait un peu bizarre, quoi, des fois. Donc, je sais pas si on verra ce que ça. Quand j'aurai lu le 18, je donnerai un avis, on va dire, général sur Sur l'ensemble la de la série. série. Qui, pour l'instant, est quand même une très très bonne série, très très fun, très agréable à lire, avec pas mal de surprises et voilà, quelque chose qui va dans des directions souvent inattendues. Un héros plutôt sympathique et auquel on s'est vite attaché. Donc, non, une bonne série fun d'action agréable, et voilà, pour un premier coup d'essai, même si Tom Taylor est un vieux de la vieille, hein, mais en termes de série Creator Own, c'est assez original, et c'est pas forcément à ça qu'on s'attendait au départ de la part de Tom Taylor, donc non, plutôt agréable. Donc voilà pour le 17, je laisse la parole pour le 18 si tu veux en dire quelques mots. Yes. Alors, avant de vous expliquer mon point de vue sur le 18, sachez que j'ai lu les quatre derniers ensemble. J'ai fait 15, 16, 17 et 18, parce que j'avais peur de lire le 18 à cause de la couverture. Moi, cette couverture, elle me fait penser, et là tu parles des références manga, elle me fait penser à Son Goku, Dragon Ball, à l'époque où il est mort et où il fait cette espèce de signe avec les deux doigts pour dire au revoir en volant, là, avec des nuages derrière lui en arrière-plan. Et j'ai tout de suite vu ça et je me suis dit, merde, il va nous le tuer à la fin. Et du coup, j'étais tellement attaché à Kaspar que je ne voulais pas lire ça. Donc j'ai attendu que le 18 sorte pour lire les quatre derniers sans être du coup de quoi que ce soit des quatre derniers épisodes. Du coup, ce que je dis par rapport à cette couverture n'est pas un spoil, c'est juste un senti par rapport à ce que j'en avais et l'état d'esprit dans lequel j'étais quand j'ai commencé à lire ça. 14, enfin 15, 16, 17, wow, gros cliffhanger à la fin du 16, t'as raison, le 17, très très bon. Et on peut avoir cette impression, je suis d'accord, ça part en vrille, tout devient too much, etc. Mais en même temps, avec cette référence à la couverture que j'avais en tête, quand on se rappelle des dernières périodes de Dragon Ball, ça n'a rien à y envier niveau too much, quoi. Donc je pense que même ça, c'est un peu une référence, ce côté de ça part en vrille et grand, trop grand, fou, trop fou peut-être. Je pense aussi que c'est un clin d'œil aux univers manga. Et le numéro 18, c'était voilà, c'est une superbe fin, vraiment, j'ai beaucoup aimé cette fin, avec une ultime surprise, une ultime pirouette de Taylor dans le scénario. Daniele Di Nicolo, on est d'accord, il est en grande. C'est la fin d'une grande série chez Boom. Une grande série qui a ouvert qui a ouvert un peu l'âge d'or de Boom là, de ces dernières années. Il a commencé avec des séries comme ça, avec Once and Future, avec Something the Children, avec Seven Secrets, qui ont toutes plus ou moins démarré en même temps. Et là, bah voilà, il y en a une qui tire sa révérence, c'est Seven Secrets, d'une superbe manière. Et puis la deuxième, Once and Future, se prépare à faire pareil au mois de d'octobre, avec un numéro 30 qui sera le dernier. Voilà, il y a deux grandes séries boom là, qui soit viennent de s'arrêter, soit avant laquelle on parle. Et bah, c'est quand même deux sacs pour l'éditeur. Donc il me tarde que tu lises ce numéro 18 et tu vois ce que... Ouais, on fera un petit bilan. Mais tu parles de Once and Future, alors moi je le suis maintenant depuis longtemps en VF. Ouais. C'est une série où j'accroche moins quand même. C'est sympa, mais j'arrive à moins rentrer dedans par rapport au personnage. Il y a voilà. Quelques ventres mous, on s'attache plus. Ça repart. Ouais, voilà. J'avais commencé en VO, j'avais trouvé ça plutôt fun, notamment avec la mamie badass. J'adore là. La grand-mère de Duncan, côté, j'adore. Voilà. Et après, j'avais trouvé que ça tournait un peu en rond, quoi. C'était un peu répétitif. Et puis, donc voilà, une série sympatoche, mais après, il y a Dan Mora Odessa, donc forcément, ça donne une valeur supplémentaire. Tu m'étonnes. Mais à lire, je préfère Seven Secrets. Je trouve qu'on s'attache nettement plus au personnage, c'est plus dynamique. C'est, voilà, c'est une série que je préfère, hein, largement. Oui, elle est pour moi aussi au-dessus. Dans le sens où ça demande moins d'investissement, peut-être aussi. Once and Future, il faut se replonger. Ouais, quand on n'a pas lu depuis un petit moment, il faut se remettre dedans quand même. Hein. Il se passe... Enfin, Karen Gillan, l'air de rien, il en raconte des trucs. Oui. Non, mais c'est pas la même écriture. Donc, c'est une écriture qui me touche moins, on va dire, qui m'implique moins que Seven Secrets, même si là, sur la fin, je pouvais trouver ça un peu too much. Je suis plus impliqué, quoi. Voilà. Ça me touche plus. Que Once and Future, mais ouais, non, je comprends. Eh ben, très bien. Bah, j'ai hâte de lire. Ça va être dans mon prochain colis. Je vais faire ça au mois d'août, je pense. Donc, belle lecture. Allez, alors là, on arrive au moment où j'avais beau construire un conducteur super bien, tout s'enchaînait bien, tout était parfait. Et puis il y a un moment, bah, Clément il a une liste, quoi. Et il faut bien mettre ses titres dedans, et il faut bien reconnaître que ça va avec rien. Donc, je l'ai mis là, voilà. Donc Clément, il va nous parler de Star Wars High Republic, s'il est encore là. S'il est encore là, ouais. Il est plus là. Tu l'as vexé, là. Bon. Il a peut-être coupé son micro, tu me diras. Où est-il ? Il se foutait de ma gueule tout à l'heure avec mon micro. Mais... Merde, j'avais coupé mon micro, sans faire exprès. c'est pas parce que je n'ai pas été vexé, rassurez-vous. Puis je me disais qu'il fallait bien que je casse un peu le truc et que ça manquait un peu de... Un peu de Star Wars. Oui, puis c'est vrai, jusque-là, on avait le meilleur podcast des 322, donc ça aurait été con que ça aille jusqu'au bout. Allez, vas-y, fais baisser le niveau, vas-y. Faire baisser le niveau, ouais. Non, alors, blague à part, j'en parle parce que hein, j'avais évidemment envie d'en parler, et puis parce que c'est quand même... c'est assez particulier comme histoire, parce que là, on est vraiment avec Star Wars High Republic, on est vraiment sur du cross-média. C'est-à-dire qu'en gros, à partir de 2021, Lucasfilm Marvel a décidé de lancer ce qu'ils appelaient un projet Luminous, et qui était en gros de lancer une nouvelle période de Star Wars qui n'a jamais été traitée, que ce soit dans les romans, dans les films évidemment, ni dans les comics, qui est la Haute République. Et donc Marvel a lancé cette période-là aussi en comics, en parallèle de romans. Et il se trouve que là, ça y est, ce qu'ils appellent la phase 1 est terminée, ça s'est conclu par la série principale de la Haute République. Et c'était ça que je voulais en parler, parce que bah, cette série étant terminée, on peut enfin avoir un regard sur ce qui s'est fait. Alors, c'est en écrivain, en auteur, pardon, on a Kevin Scott, donc j'arrive pas à me souvenir s'il a écrit chez Marvel ou DC Comics, j'ai un gros doute. Je sais pas, mais en tout cas, c'est lui qui signe aussi les romans. C'est ça, il signe des romans. Et effectivement, tu fais bien de le mentionner, parce que la particularité, justement, pour suivre vraiment cette série en comics, et ce qui faisait d'ailleurs aussi tout l'intérêt, je trouve, c'est que ça suivait, en fait, la publication des romans en VO. Et qu'en gros, des éléments qui étaient traités dans des romans pouvait apparaître dans les comics, et inversement, des choses qui étaient dans les comics pouvaient ne pas être traitées dans les romans. Donc il y avait vraiment cette interconnexion. Moi, j'ai fait le choix, je me suis dit que ça pouvait être une bonne occasion. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi cette série-là en même temps que de suivre les romans principaux Donc les romans adultes et je sais plus ce qu'ils appellent young adultes en BO. Ce qui m'a permis en fait de suivre voir tout cet aspect cross-média, y compris à travers le comics. Et ben ça donne quelque chose de vraiment cool parce que on a bon les romans sont très cool, on est vraiment sur des aspects assez assez sombres pour le coup. Et je précise, la menace qui occupe toute cette phase 1 n'est pas du tout des Sith et preuve qu'on peut faire des choses excellentes sans avoir des Sith du Dark Vador et j'en passe en bad guy. Et donc ça donnait des aspects sombres et interconnexions. Et du coup, ça s'est rejailli sur les comics. Et ça a été très bien traité, je trouve. Ça a donné vraiment cet aspect de d'interconnexion et de continuité vraiment poussé. Le fait que Kevin Scott, justement, est l'auteur de certains, pas tous les bouquins, mais des bouquins majeurs, je crois que c'est lui qui a écrit le premier qui a lancé l'ère de la Haute République. Le fait que ce soit lui qui fasse aussi les comics, ça donnait quand même un sentiment de cohérence. Et ça a vraiment donné quelque chose de sympa. Alors, je suis un peu plus partagé sur les dessins, où là, je crois que ça a varié entre Hario, Anindito et George Genty, où là, je suis un peu plus partagé. J'ai pas forcément trouvé ça génial, mais ça collait avec le personnage. Et résultat, ça donne globalement alors une saga, un traitement de la première phase vraiment réussi. J'ai pris plaisir à découvrir ça. On a des dessins, les dessins sont plus collent avec l'univers et on a vraiment cet aspect de d'interconnexion qui est ultra présente et qui est très réussi. Avec cette difficulté qui est que du coup, bah si on lit le comics des fois, on va pas saisir certaines choses si on n'a pas lu les bouquins. Et inversement, et une autre difficulté, et là c'est plutôt un problème de com, c'est qu'en fait ces abrutis, parce qu'il n'y a pas d'autres de Marvel, avaient en gros spoilé la fin du roman de la troisième phase, qui, si ça n'avait pas été spoilé, aurait été une énorme surprise. Donc ils ont complètement merdé, et ça montre aussi d'ailleurs les limites de l'interconnexion, mais quoi qu'il en soit, ça a été réussi. Par exemple, le comic, ça a permis d'en savoir plus sur le bad guy principal, à travers une mini-série de deux numéros The Eye of Storm et ça a donné quelque chose là aussi de très bon donc t'as été une bonne surprise hormis l'aspect historique parce qu'il y a eu un aspect historique et je vous laisse bien imaginer à combien maintenant on retrouve le premier numéro de la Haute République c'est ça atteignait déjà des prix au bout d'un ou deux mois voilà c'était très bon très sympa. Si, je trouve que si on a envie de découvrir bah justement cette Haute République, cette nouvelle période qui est complètement inconnue, bah ça donne quelque chose qui est aussi rafraîchissant. On voit vraiment, parce que c'est forcément plus parlant quand on voit les dessins, on voit l'autre époque, on a des robes de Jedi qui sont beaucoup plus classe, beaucoup plus classieux, beaucoup plus quelque chose de plus noble. On voit multifacettes de nouveaux Jedi. On voit aussi par exemple Yoda très jeune, même s'il apparaît quasiment pas, je crois, dans le comic. Enfin, on a vraiment, c'est vraiment un autre aspect qui manquait à Star Wars et qui vraiment, qui était vraiment cool. Donc ouais, c'est mission réussie, mission réussie pour les fans pour les personnes qui apprécient Star Wars. Je pense que ça vaut le coup d'être lu, surtout que maintenant les romans, je crois que les romans de la phase 1 ont fini d'être édités en français. Et donc, bah, réussite pour Marvel. J'attends la suite avec impatience, avec cette particularité, je ne sais pas pourquoi. La phase, donc ce qu'ils appellent la phase 2, va se passer, je crois, 250 ans avant ce qui s'est passé avant la phase 1. Durant la phase 1. Donc, évidemment, les comics vont suivre. La suite va sortir au mois d'octobre. Voilà, donc c'est une belle réussite. Et il me tarde de voir la suite, sachant que manifestement, et ben les sans doute qu'il y aura une connexion indirecte ou pas avec la future série Star Wars The Acolyte puisque ça va se passer je crois une centaine d'années ou 60 ans avant je crois la menace fantôme qui là aussi se passe durant la Haute République ce sera la série sera sur la fin de la Haute République donc on peut imaginer des interconnexions de avec le comics les films les romans les séries pardon et belle réussite parce qu'à mon souvenir, dans mon souvenir, je crois que c'est la première fois vraiment que Disney Marvel, que pardon, que Lucasfilm ou Disney Marvel poussent l'interconnexion et ça a été une réussite, même si ça a ses limites. Ok, j'ai pas commencé. En tout cas, de voir romans et comics se répondre est intéressant, à condition de suffisamment la langue anglaise à l'international. Enfin, je parle du marché international. Ouais. C'est assez casse-gueule pour le marché international. C'est sincèrement, j'ai globalement saisi. C'est pas des romans qui n'ont plus de la très très grosse littérature. Mais on a des romans parfois qui sont assez longs. Hein. Faut pouvoir se les bouffer les 400-500 pages. Mais effectivement, il faut maîtriser la langue anglaise. Et alors, du coup, la difficulté, c'est forcément que la publication a commencé en VF. Mais forcément, quand les comics sont sortis, c'est indépendant. Donc, en fait, la publication des comics ne s'est pas forcément calquée avec la publication des romans en VF. Ouais, je trouve qu'à l'international, c'est assez casse-gueule de faire de ce genre d'ambition. Mais c'est pas pour ça qu'il faut pas le faire. Hein, donc... Bah ouais, c'est... Bah après, honnêtement, je pense que c'est sans doute très américano-centré quand même. Mais ouais, c'est casse-gueule. Après, bah, y a les impératifs ouais, de traduction, mais c'est casse-gueule. Mais ils ont vraiment réussi, ils ont vraiment poussé. Hein, parce qu'il y a le roman, il y a les romans, il y aura sans doute la série, il y aura les comics, mais ils ont aussi fait les romans audio. Donc, pour dire vraiment que le projet était d'ampleur, donc ça serait intéressant sans doute d'avoir aussi des ressentis des personnes qui ont suivi que la publication en VF. Parce que là aussi c'est particulier et même sur la publication VF, je crois chez Panini, ils ont essayé d'innover un peu sur la publication. Donc voilà, mais encore une fois, je pense sincèrement que ça mérite le coup d'œil. Ok, on va passer sans transition à Boris qui va nous parler de la fin de Dark Blood avec le numéro 6. 6, tout à fait. Alors numéro que j'avais un poil enterré et que j'ai retrouvé. Après d'âpres recherches, parce que ça fait un certain temps que la mini-série est finie, en fait. Dark Blood, c'était Latoya Morgano au scénario, Moises Hidalgo au dessin, et Alison Hu, ou, je sais pas comment on dit, aux couleurs. Je crois que j'ai chroniqué tous les numéros, en fait, de cette mini-série. Je crois aussi. Tout en en disant à chaque fois que c'était sympa, mais que je voyais pas trop forcément, non pas ce que voulait raconter l'autrice, mais c'était un mélange à la fois de super pouvoirs, voilà, d'expérience, on va dire. Donc c'est l'histoire d'un jeune afro-américain dans les années 40-50 qui s'aperçoit, après avoir fait la guerre et avoir des séquelles, doit consulter un médecin et donc s'aperçoit qu'en fait bah, il a été sujet d'expérience et qu'il possède des pouvoirs maintenant. Et en parallèle, ça a traité de la période donc des États-Unis des années 50-60 avec la lutte pour les droits civiques, etc. Et je trouvais que c'était un peu entre deux, que ça n'allait pas vraiment dans une voie ni dans l'autre, et que ça demeurait sympathique mais sans plus. Et malheureusement, le numéro 6 ne va pas déroger à cette règle. C'est la conclusion avec une fin un peu ouverte, donc qui peut laisser supposer que l'autrice a envie de revenir un petit peu sur son univers. Mais je suis pas sûr que j'irai de toute façon voir. Parce que c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a une partie super pouvoir. Donc là, il a découvert et remonte un peu à l'origine pour trouver qui lui a fait ses expériences qui l'ont rendu comme ça. Et là, de ce côté-là, c'est pas hyper original. C'est du super pouvoir super, super classique. Et d'un autre côté, la partie historique un petit peu reste en toile de fond, simplement. Voilà, je trouve que c'est pas assez, ça s'impose pas assez pour que ça soit touchant et qu'on rentre un peu dans le détail et qu'on s'investisse là-dedans. Donc je me serais pas ennuyé à la lecture, on va dire, de ces 6 numéros, mais c'est pas une lecture que forcément je conseillerais au final pour quelqu'un qui aurait pas commencé, qui voudrait se lancer avec le TP. Moi, j'ai pas réussi totalement à m'impliquer, je pense que c'est justement voilà, quelque chose un peu entre deux et qui a jamais vraiment choisi sa voie. Surtout que la partie super pouvoir n'a pas d'originalité particulière, quoi, c'est vraiment assez classique. Ça aurait pu, avec ce contexte historique, sans doute être beaucoup plus fort. Et voilà, ça manque un peu de cette puissance qui aurait pu m'émouvoir et me faire m'investir davantage. Bon, en termes de dessin, c'est sympathique, c'est pas mal. J'ai l'impression qu'il y a quelques pages un peu rushées sur la fin, mais bon, ça reste agréable à la lecture. Mais voilà, c'est pas. Au départ, quand je me suis lancé dans cette série, vu le pitch, je m'attendais à quelque chose vraiment de beaucoup plus fort. Et en fait, ça n'a jamais été un coup de cœur, ça a toujours été sympa, mais sans plus, quoi. Voilà, un petit peu pour cette mini-série qui se clôt. C'est rigolo, parce que quand je t'écoute, c'est exactement et à la fois l'excitation que j'avais à la fin du premier numéro, et en même temps les craintes que j'avais par rapport à la suite. Genre, ouais, c'est bien, le contexte est intéressant, la période historique choisie, tout ça, le personnage en lui-même. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire de tout ça? Est-ce que vraiment elle va aller au bout de son idée ou pas? Voilà, j'étais pris entre les deux. Et du coup, bah, tu viens de répondre en fait, non, elle n'est pas allée au bout. Bah non, voilà, c'est ça, c'est que tout est un peu survolé, entre guillemets. C'est pas, ça fait un peu péjoratif ce que je dis, mais voilà, je trouve qu'elle n'a pas assez exploité le contexte historique. Parce que je pense que c'est de ça qu'elle voulait parler, en fait. Hein. Donc, de parler voilà, des droits civiques, de la lutte, etc. Et finalement, ça reste un tout petit peu en toile de fond. C'est pas vraiment, vraiment au premier plan, et je pense qu'il y aurait quand même eu des choses intéressantes à écrire dessus. Et puis, je te dis, la partie super pouvoir, c'est de l'ultra classique, on n'est pas surpris, il n'y a rien de très nouveau, ou c'est pas écrit suffisamment, de façon suffisamment originale pour que ça soit vraiment, vraiment sympa, quoi. Donc, bon, voilà, et tout ne peut pas être réussite et plaisir. C'est peut-être que certains d'entre vous, enfin, qui l'ont lu, ont trouvé ça très bien, mais moi, ça dépasse pas le stade du c'est sympa, quoi. Voilà. En effet, tout ne peut pas être que réussi. je vais parler maintenant de The Passageway. The Passageway. Alors, Jeff Lemire et Andrea Sorrentino sont dans un bateau et ils se disent on va créer un univers partagé avec des graphiques nouvelles, des mini-séries, une ongoing. Voilà, et puis on va faire ça dans l'horrifique parce qu'on le fait quand même vachement bien tous les deux. Du coup. Bah Mathieu, il se dit quoi? Il se dit « Ah ouais, je vais y aller, quoi. » Clairement, ça va être trop bien. En plus, André Affic, voilà. Maintenant, est-ce que c'est trop bien? Non, c'est pas trop bien. Tout ne peut pas être que réussite et plaisir. Même quand on s'appelle Sorrentino et les... graphiquement, c'est beau. Mais c'est pas aussi beau que Primordial. C'est pas aussi beau que... comment s'appelle cette série avec la Black Barn? Guide on Falls. C'est pas aussi beau, mais c'est très beau. C'est du très bon Andrea Sorrentino. Le scénario, il est très bon, mais c'est pas le meilleur scénario de Jeff. Et du coup, bah, quand on fait les attentes qu'on avait, quand on a les attentes qui étaient les miennes au moment de lire ça, bah, on peut pas s'empêcher d'être un peu déçu. Alors que pourtant, on a lu un bon truc. Voire même un très bon truc. Mais c'est pas ce qu'on attendait. En tout cas, c'est pas ce que moi, j'attendais. L'histoire, c'est un mec qui débarque sur une petite île qui fait juste un de mètres carrés, je pense, avec juste un phare et une vieille qui habite là, qui garde le phare et qui a 25 ans. Et le mec est arrivé parce que il est spécialiste en géologie, je crois, ou un truc comme ça. Le nom exact de sa science en tête. Et en fait, il a été appelé parce qu'il y a un trou qui est apparu sur cette île. Un trou qui a l'air... alors qu'il fait à peu près un mètre de diamètre et qui est très, très, très profond. On ne sait même pas la profondeur de ce truc-là. Et il est surtout apparu du jour au lendemain, alors qu'avant, il y avait deux énormes rochers. Donc, il vient pour enquêter sur ce truc-là. Il essaie de sonder la profondeur et on se rend très vite compte que le truc est vraiment très, très, très, très profond et... Vu les illustrations qu'on a au début du bouquin, on se dit, et si il traversait pas carrément la Terre de part en part, ce truc. Et du coup, on comprend pourquoi The Passageway. On comprend le titre, quoi. Maintenant, moi, je suis un peu déçu par la conclusion. Je trouve que pour... ça se tient bien en tant que graphic novel. Maintenant, en termes de lancement d'un univers, ça tient pas toutes les promesses. Là, je referme pas le truc en me disant « Putain, je veux aller lire 10,000 Black Feathers, la prochaine mini. » Pas parce qu'il y a une envie d'aller lire cet univers-là, puisque à aucun moment tu sens qu'il y a des opportunités pour raconter d'autres histoires dans cet univers-là. L'histoire, elle se tient. Et s'il y a rien d'autre... Je comprends pas trop, du coup, le projet Bonor Card Mythos. Je sais pas si tout va vraiment être lié, si c'est juste des histoires qui cohabitent. Je sais pas. Du coup, c'était bien. Objectivement, c'est très bon. Maintenant, c'est peut-être pas ce que j'attendais, et c'est en tout cas pas à la hauteur des attentes. Donc, bah, lisez-le, hein, pour vous faire trop, vous adorerez. Parce que je suis pas le public pour ça, et que, ou en tout cas pas totalement le public pour ça, et que du coup, je passe à côté de certains aspects horrifiques qui me parlent peut-être pas, je sais pas. Et j'ai hâte d'avoir votre avis. Si vous... J'ai hâte de vous entendre me dire, mais tu t'es planté, c'est absolument incroyable, machin. Peut-être, mais j'ai pas l'impression. Écoute, Voilà! quand je, voilà, quand je le lirai, je te dirai. Mais c'est vrai que Ah, oui, si c'est pas forcément. Est-ce que ça va vraiment être un univers partagé ou est-ce que ça va être des choses je sais bien pas, je peux. séparées dans un même univers? C'est pas forcément le cas. Semblerait Après, c'est vrai que. c'était ça. C'était plus des choses séparées dans un même univers. Après, j'étais pas, je peut-être pas non plus très compris. En fait, c'est assez flou. Bah, ils sont pas très clairs sur leurs propositions, hein, en même temps. Ils savent peut-être même pas trop eux-mêmes. Je sais Peut-être, pas, ils je ont sais pas. peut-être. Écoute, En on tout verra cas, bien. j'irai quand même lire Ten Black Feather. Ouais, oui. J'irai quand même lire ça parce Ouais. que ça reste l'Emir et Sorrentino, que reste quand même de qualité. Et voilà, j'ai pas été suffisamment refroidi pour m'arrêter. Donc ça va. Bien, on va enchaîner. On va enchaîner avec Beyond the White Knight, de White Knight par Sean Murphy. Et bah, qui est-ce qui pourrait bien lire ça? Ah bah oui, c'est Clément. Évidemment. Alors je précise, je n'ai pas encore lu le numéro 4. Je crois qu'il est sorti ou qu'il doit Alors, il y sortir. a du En tout cas, retard, je. hein, il y a du retard sur la série. Je ne sais pas si Ouais, une date est sortie. le 28 juin apparemment. Et là, il doit avoir un autre numéro aussi avec sur un deux séries, je crois, deux numéros sur Red Hood. Bon, enfin bref. Donc oui, Batman Beyond the White Knight, donc qui est la suite directe de Curse Knight, pardon, et direct aussi de White Knight. Donc où Sean Murphy prolonge l'univers qu'il a déjà développé depuis plusieurs années. Donc là, bah forcément, enfin comme le laissait présager les previews, le speech, ça se passe plusieurs années plusieurs années après. Et en fait, grosso modo, c'est une réinterprétation. Encore une fois, il est question de réinterprétation ici de bah, Batman Beyond, donc avec Terry McGinnis et le Batman associé. Je vais pas rentrer dans l'histoire plus que ça parce que ça c'est pas j'ai pas envie de spoiler nécessairement là après trois lectures de numéros bah voilà je retombe dans un titre dans un univers que j'apprécie bah, sincèrement les dessins de Sean Murphy sont toujours aussi géniaux ça colle parfaitement l'univers à mesure qu'il a été construit, et là les trois numéros le laissent paraître, est encore plus cohérent. Ça donne, ouais, ça donne le, ça donne un très bon départ à une nouvelle série qui, j'imagine, pas, parce qu'à chaque fois on croit que ça ne sera pas le cas, ou que ce sera le cas, va sans doute potentiellement clore ce que fait Sean Murphy derrière cet univers. Donc c'est vraiment cool. Alors évidemment. Je pense qu'il faut mieux avoir lu les autres séries, essentiellement les séries principales, même si je pense que la série sur Harley Quinn, si je dis pas de bêtises, qui est sortie il y a à peu près un an, doit être lue parce que c'est aussi une, plus ou moins une suite directe. Mais enfin, quoi qu'il en soit, c'est réussi. Les enjeux sont posés assez rapidement. On a un statu quo qui est vite bouleversé par rapport à la fin de Curse of White Knight. Donc voilà, moi j'attends la suite et de voir où est-ce que ça va nous emmener. Mais il y a des retours surprenants, des situations de personnages qui le sont aussi. Donc c'est une réussite. Je crois que le mot réussite suffit à lui-même pour qualifier ce début de nouvelle série de Sean Murphy. Ok, bien. Et The Rush, est-ce que c'est une réussite jusqu'au bout, Boris? Alors, The Rush, bon, là aussi j'ai dû traiter tous les numéros, je crois. Hein. Ouais. C'est le numéro 6 de Cy Spurrier, Nathan Gooden, Addison Duke, aux couleurs. Eh bien, comment dire, j'avais déjà parlé de. On a déjà parlé ensemble de la difficulté à lire du Cy Spurrier, hein, en Parfois. anglais. Parfois. Eh bien là, c'est la fois où c'est parfois. Parce que j'ai pas tout compris, je dois être honnête. C'est un numéro déjà un peu plus gros que d'habitude. Je pense qu'ils ont, voilà, ils ont agrandi un peu pour finir la mini-série. Il y a beaucoup de textes dans cet épisode et beaucoup de textes, beaucoup de phrases que j'ai pas forcément bien saisies. La fin est assez. Alors en termes de narration graphique, on va dire, j'ai bien compris, voilà, et j'ai plutôt apprécié. C'était une belle fin, on va dire, assez touchante par certains endroits. Maintenant, il y a beaucoup de narration et ça démarrait par une lettre écrite par l'héroïne qui écrivait à son fils, et on termine par cette lettre justement. Et là, ça m'a un peu perdu, j'avoue que. Et puis il y a une fin un peu barrée quand même, un peu mystique. Et là, j'ai pas compris. Je suis honnête. Alors après, quand on lit 10, 15 pages et qu'on comprend pas tout et que bon, voilà, j'ai peut-être pas trop cherché à pousser jusqu'au bout. Donc, je suis pas déçu parce que je savais qu'il y a des moments où j'allais décrocher, et puis bah là, c'est sur la fin où je décroche pas mal. J'ai quand même bien aimé cette mini-série. Honnêtement, j'ai qu'une hâte, c'est qu'un éditeur français s'en empare pour pouvoir la lire en français. Et puis là, saisir vraiment tout, parce que l'univers et le graphisme, et puis l'histoire globale est vraiment excellent. Sont vraiment excellents, pardon. C'est difficile de dire que c'est un excellent épisode parce que j'ai pas tout compris. Mais j'ai quand même bien aimé. Et c'est quand même une série que, si ça sort en français, que je conseille fortement. Que ce mélange de fantastique, de western, avec une héroïne plutôt bien écrite. Et franchement, le dessin de Nathan Gooden et avec les couleurs d'Addison Duke, ça rend vraiment très bien. Mais bon, voilà, j'ai pas tout compris. Et il y avait un ou deux épisodes aussi sur les 6 où j'avais déjà dit la même chose, hein, qu'il y avait des passages que je n'avais pas bien compris. C'est un peu dommage parce que c'est vrai que c'est, voilà, c'est plutôt une belle histoire et c'est un scénariste que j'aime beaucoup, mais en anglais, il y a des séries que j'avais ratées, comme Coda par exemple, où j'avais commencé en VO, puis j'avais totalement cessé, que j'ai relu après en français et j'ai beaucoup apprécié. Et en fait, bah là je savais que ça allait être assez court, donc j'ai continué. Mais malheureusement, ce sixième épisode m'a laissé un peu avec un manque de compréhension. Ok. Maintenant, c'est pas une déception en fait. C'est juste que voilà, il y a un moment où je m'attendais à ce que je comprenne pas tout, et c'était notamment sur cet épisode. Mais sinon, mon ressenti global sur la mini-série est plutôt positif hein, quand même. Et j'espère qu'un éditeur français. Alors, c'est vrai que les derniers titres de chez Volt, notamment avec Nathan Gooden, c'était chez Comics Initiative. Ils sont sortis. Peut-être que j'essaierai peut-être de les contacter, voir s'ils sont intéressés pour avoir des infos. Mais je le vois bien sortir chez eux. C'est une mini en un tome. Et je pense que ça peut avoir son petit succès. Enfin, j'espère que ça arrivera en VF, parce que moi, je le prendrai, je le relirai en VF sans problème. Okay. Voilà, c'est toujours le problème de la langue avec. Enfin, après, ça dépend du niveau, mais mon niveau n'est pas suffisant, on va dire, pour pouvoir tout saisir. Non, Simon Spurrier, qui est Oui, romancier bah oui. aussi, qui utilise parfois un anglais un Oui, peu c'est bah, du. très littéraire, parfois un Voilà, peu ou de ancien, l'argot. entre guillemets, de l'argot. Donc là, sur un truc qui se passe en plus au 19e siècle, je crois. Oui, c'est là, au moment de la ruée vers l'or, puis Il a dû se faire c'est plaisir, quoi. fantastique, donc il y a des trucs un peu. Voilà. Ouais. Et puis pour ceux qui ont lu l'interview que j'ai faite au mois de juin là, à propos de Step by Blue Step, saison 200, Ouais. qui est entièrement muet, où il expliquait justement que le fait d'avoir fait une série muette avait fait que dans ses autres séries qu'il créait en parallèle, il avait eu tendance à être plus Verbeux. bavard et se faire plaisir, on va dire, en termes de texte et de littérature, d'un point de vue littéraire. Donc voilà, on paye ce plaisir d'avoir lu ce chef-d'œuvre qui est Step by Bloody Step en muet, avec voilà, une série un peu trop littéraire pour moi, quoi. Ok, Voilà. et ben on n'a plus qu'à terminer avec Grimm. Allez. Grimm de Stéphanie Philippe et de Flaviano. Grimm, c'est le carton de chez Boom, le carton de ces 2 derniers mois. Là, on en est à 2 épisodes sortis. Peut-être le troisième est en train de débarquer. Épuisé avant même de sortir, le numéro 1. On en est au troisième ou au quatrième tirage annoncé. Le numéro 2 suit le même chemin. Enfin, voilà, grosse hype pour cette série qu'on n'avait pas forcément vu venir. En tout cas, par rapport à ce que j'ai lu mes numéros, la hype est justifiée à mon sens. On va suivre alors le personnage de comment s'appelle-t-elle? Évidemment, j'arrive pas à retrouver son. Et puis Jessica Haro? D'accord, C'est pas je crois ça? que c'est Jessica Haro. C'est Jessica, c'est ça. J'ai la sollicitation sous les yeux, hein. J'ai pas lu. Je fais mon malin, mais. Alors, on démarre avec la rencontre d'un jeune homme qui semble avoir eu un grand. Qui semble venir d'avoir un accident de voiture. Il a l'air plutôt mal en point. Et là, il croise une jeune femme, qui est donc cette Jessica, et qui lui apprend que bah non, il s'en est pas sorti, qu'il est mort. La preuve, son corps est quelques mètres plus loin. Jessica est ce qu'on appelle une Reaper. Elle est censée aider les âmes des personnes mortes à passer d'un monde à l'autre. Sauf que on s'aperçoit très vite qu'elle semble assez particulière en tant que Reaper parce que c'est la seule, après, qui ne se rappelle pas comment elle est morte. Elle n'a aucune information concernant sa mort. Elle ne sait pas comment elle est morte. Et du coup, on sent bien que c'est quelque chose qui la perturbe et que elle aimerait bien mener un peu l'enquête. Enfin, elle mène clairement l'envie de savoir pourquoi elle ne se rappelle pas de sa mort et surtout de savoir comment elle est morte. C'est plein de surprises. C'est bien écrit. C'est une bonne scénariste. C'est chouette au niveau des dessins. Les couvertures de Flaviano sont une bonne petite mini-série, je crois en 5, à venir. Je vais vérifier quand même. J'ai malgré tout un doute au moment. C'est pas une mini-série, puisqu'on parle même que c'est la fin du premier arc et que c'est bien, bien parti. Très très bon démarrage, gros succès, mérité. Bonne histoire, bon dessin, plein de questions dans la tête au moment où on lit ça et surtout beaucoup d'enthousiasme. Le plus important, de s'enthousiasmer. Donc on finira sur une bonne touche avec Grimm. Ouais, je l'avais vu passer, j'avais hésité un peu, parce que des fois je me suis lancé dans une série comme ça, et puis un peu au pif, on va dire, et en étant déçu. Donc comme voilà, j'avais décidé de réduire un peu la voilure, Ouais. j'étais pas allé dessus, mais bon, maintenant je regrette un peu. Bon, je prendrai le TP quand ça va Ce que j'allais sortir. dire, ce sera, je pense, très agréable à relire. Ouais, je prendrai ça quand ça arrivera. Mais ça donne bien envie, ouais. En tout cas, je suis enthousiasmé, j'ai envie de continuer. Et ça tombe bien, parce que chez Boom, on a moins de séries avec l'arrêt de. Donc c'est bien d'avoir des nouveaux comme ça qui prennent le relais et qui enthousiasment et qui montrent que bah non, c'est pas parce que des séries importantes sont en train de se terminer chez l'éditeur que. Bah, il n'y a pas d'autres trucs qui vont nous emballer pour la suite. L'indé se porte bien avec Boom, avec Awa qui reprend du poil de la bête, avec Ibage qui est au sommet. Et les mois prochains ne vont pas nous faire mentir, je pense. Non, on va avoir de quoi lire. Est-ce qu'on n'est pas inquiet là-dessus? On va avoir de quoi lire, c'est clair. On aurait pu vous parler de Dark Crisis, on aurait pu vous parler de Flashpoint Bill, parler de plein de trucs autres, mais on n'a pas le temps de le faire aujourd'hui. On aurait aussi vous parler de The Boys et d'autres adaptations du moment. On le fera plus tard dans l'été. Parce que je pense qu'on n'a pas fini d'avoir des choses pour cet été, et ça semble assez clair. Donc, ben rendez-vous dans quelques semaines, une nouvelle salve de chrono VO, peut-être VF, qui sait, d'adaptation, on semble bien parti pour être le cas. Promis, on ne mettra pas autant de temps à revenir que depuis le numéro 321. En tout cas, les problèmes techniques ont l'air d'être réglés, donc ça devrait aller mieux maintenant. Bon été à vous, bonnes vacances. Faites attention aux coups de chaud, évidemment. Et puis surtout, profitez de ces vacances. Videz ces piles absolument insoutenables de titres qui vous attendent. Ouais, c'est l'objectif. Moi le premier. C'est Ouais, des piles maintenant, c'est des boîtes à lire. c'est les étagères, donc Pardon. Ok. donc bon Je m'incline, ça va. Allez, bon été à tous, ouais à très vite pour une nouvelle salve et d'ici là, prenez soin de bientôt. à bientôt ouais. Thank you.